Ah ouais, on va vous faire un petit passage à niveau. Passage à niveau. Non, il faut lever vos verres avec nous, merde. Là, c'est le train de 18h. Oh, d'habitude, il y a tout le monde qui lève les verres. Il faut pas traverser, là, hein, parce que sinon, on se fait écraser, on fait comme le bus. Passage Allez. À niveau. Passage à niveau. Passage à niveau. Passage à niveau, oh oh. Passage à niveau. Passage à niveau. À votre santé.